Chers auditeurs, bienvenue à tous et bienvenue sur Historia Nancy pour cette édition de novembre. Historia Nancy, qu'est-ce que c'est ? C'est le journal par et pour les étudiants de Nancy. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de trois chroniqueurs. Notre rédactrice en chef n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement, mais on est accompagnée d'un petit nouveau. Bonjour Théo. Bonjour. Comment ça va Théo ? Eh bah super, voilà, je me présente, je suis Théo, donc en A3 Infocom à Nancy. Et j'ai été démarché par Anaïs, du coup, pour le journal des étudiants Historia. Évidemment que t'as été démarché par Anaïs. On retrouve Louis. Louis, comment ça va ? Bonjour, ça va super. T'as passé de bonnes vacances ? Oui, très bonnes vacances. J'ai fait un petit tour au château de la Loire. J'étais très content. Ok, nickel. Tu nous en diras plus tout à l'heure ? Parfait. Ilana, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien. Je suis très contente d'entendre ça. Pareil que Louis, plutôt des bonnes vacances ? Des très bonnes vacances, oui. Pareil. Alors, on va commencer cette session en écoutant un peu de Elton John. C'était Elton John. Alors Louis, c'est à toi de nous présenter ta petite chronique du jour. De quoi est-ce que tu vas nous parler ? Eh ben merci. Alors revenons presque 30 ans en arrière. Un 15 décembre 1995, une décision de justice transforme le visage du football européen pour toujours. C'est l'arrêt Bosman. Pour mettre un petit point de contexte, en 1990, Jean-Marc Bosman, alors joueur du Royal Football Club de Liège, veut quitter son club avec qui il est en fin de contrat pour rejoindre Dunkerque. Aujourd'hui, le joueur serait libre de signer où il l'entend, mais à cette époque, le club acheteur doit toujours verser une indemnité de transfert au club détenteur, même lorsqu'il est en fin de contrat. Dunter refuse de payer, Liège refuse de laisser partir librement. Donc le joueur est pris entre deux fers et fait appel à la justice. Il obtient justice 5 années plus tard, mais ce dénouement a une importance mineure jusque-là. Le changement majeur qui intervient suite à cette affaire s'opère dans les effectifs des clubs européens. Ils sont alors limités à 3 joueurs d'une nationalité différente de celle du club. Par exemple, l'Olympique de Marseille compte 3 joueurs non français dans ses rangs en 1993, Alain Borchich, Rudy Voller et Abedi Pelé. Mais en 1995, la décision rendue par la Cour de justice européenne, l'arrêt Bosman, juge que cette règle est tout aussi injuste que celle des indemnités de transfert contestées par Jean-Marc Bosman. Donc les quotas remettent en question la libre circulation des joueurs de football qui sont considérés comme des travailleurs comme les autres. Cette règle aura un énorme impact sur le monde du football. Reprenons l'exemple de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, 20 joueurs ne sont pas français. Même si aujourd'hui, il reste malgré tout des quotas pour les joueurs extra-européens, par exemple 4 en Ligue 1, ce qui limite l'afflux massif des joueurs sud-américains. Ce principe change le visage du football européen en faisant exploser le marché des transferts en volume et en prix. Les clubs sont alors sans limite et se lancent dans des courses de plus en plus rudes pour les meilleurs joueurs. Les sommes s'envolent. En 2000, par exemple, le Real Madrid s'offre Luis Figo pour 60 millions, puis l'année suivante Zidane pour 75. Cet arrêt Bosman aura une conséquence sur les clubs avec une moindre puissance financière qui perdent alors leurs meilleurs joueurs au profit des plus aisés comme le Real Madrid qui forme son équipe des Galactiques. Une dernière grosse conséquence, celle de la formation. Les clubs se sentent moins obligés de former de nouvelles pépites car ils peuvent en acheter partout en Europe et dans le monde sans aucune limite. Aujourd'hui, la formation est majoritairement réservée aux petits clubs qui vivent des ventes importantes de leurs joueurs prometteurs vers ces clubs riches. L'arrêt Bosman aura alors eu beaucoup de changements sur le football pour aboutir sur celui qu'on le connaît aujourd'hui, celui d'un football sans frontières avec des sommes astronomiques qui circulent. L'exemple le plus marquant est le transfert de Neymar vers le PSG en 2017, qui aura coûté 222 millions d'euros pour le club de la capitale. Merci Louis. On va écouter la chronique de Théo. Alors Théo, éblouis-nous, de quoi tu veux nous parler ? Alors, moi, je vais vous parler de la légende de Nicolas de Myre, puisqu'on est en novembre, et du coup, en novembre, c'est la célèbre fête Saint-Nicolas, donc en Lorraine, et beaucoup de personnes ne connaissent pas cette fête, c'est pourquoi je vais vous en parler. Tout d'abord, Nicolas de Myre, un jeune évêque né en 270 en Lycie, donc anciennement Turquie. Il est connu de par ses miracles et sa bonté envers les pauvres et les enfants. Donc il est rempli de super pouvoirs magiques, hein, c'est comme un super-héros. On va dire que sa légende première, on nous raconte que dès naissance, dès qu'il était bébé, il fut sorti, il fut lavé dans un bassin en fait. Et lors de son lavement, il s'est mis debout sur ses deux jambes et des mains jointes, la tête vers le ciel. Et c'est là où on a dit, lui c'est un saint, et lui c'est quelqu'un de majestueux. Donc la légende première de Saint-Nicolas, donc de Nicolas de Myre, hein, c'est une célèbre histoire, pardon, de trois enfants en fait qui trouvaient refuge chez un boucher, donc cruel, et furent tués, donc enfermés dans un tonneau. Et Saint-Nicolas, donc Nicolas de Myre, avec son âne, passait par là et décide de les ressusciter en touchant avec sa main le tonneau où se situaient les trois enfants. Donc, les trois enfants étaient ressuscités et parti avec Saint-Nicolas sur son âne. Donc ce conte inspira la chanson populaire des trois petits enfants, et ça introduit le Père Fouettard donc comme personnage punisseur des enfants désobéissants, donc des enfants cruels, des enfants qui sont malsains. Pourquoi Saint-Nicolas est-il lorrain? Donc il faut savoir qu'au XIe siècle, en fait, des chevaliers lorrains ont décidé d'apporter une relique, donc une phalange de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas de Port. Où, de par cette relique, une église fut créée. Et après la bataille de Nancy, donc en 1477, opposant le duc de Bourgogne et le duc de Nancy, Saint-Nicolas devient officiellement le saint patron de la Lorraine. Et pour finir, en fait, on célèbre Saint-Nicolas le 6 décembre. Donc c'est une fête qu'on va dire, qui favorise Noël. Et le 7 décembre, Nancy organise un grand défilé où de nombreux visiteurs le visitent chaque année, où on a au rendez-vous des chars, de la musique, des costumes, de quoi raviver la flamme familiale et la culture religieuse du célèbre Nicolas de Myre, donc l'évêque de Nancy. Voilà pour cette chronique. Merci beaucoup Théo. Alors, t'as prévu de nous faire écouter la comptine de Saint-Nicolas, donc on va la mettre tout de suite. Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, venez, Saint-Nicolas, tralala. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apportez-moi des pommes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme un petit mouton. Je dirai des prières pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas. Venez, venez, venez, Saint-Nicolas, tralala. Merci Théo. Alors, c'est à mon tour de vous présenter ma chronique. Ce sera Ilana qui fermera la marche juste après. Et pour ce mois de novembre, j'aurais aimé mettre à l'honneur mon écrivain préféré, celui qui m'a convaincu que la littérature c'était fait pour moi. Et je parle de Monsieur Victor Hugo, rien de moins. Je voudrais qu'on parle du tout premier classique que j'ai lu, qui est peut-être une de vos lectures de collège ou de lycée. Je veux parler des Misérables. Alors généralement, quand je dis le nom des Misérables, il y en a qui écarquillent très grand les yeux, qui font un bond en arrière et qui font le signe de croix. Visiblement, ça les a un peu traumatisés. Est-ce que vous l'avez lu? Alors moi oui, mais je ne me souviens plus du tout. C'était au collège, ça remonte il y a trop longtemps. C'est pas étonnant. La même chose, je l'ai lu, mais je m'en souviens plus du tout de l'histoire. En même temps, c'est conséquent quand même comme roman. Ilana, toi, tu ne l'as pas lu. Alors, on a dû me le proposer à une époque où la littérature, c'était pas forcément ma tasse de thé, donc voilà. Ok, je vois. Bon, ben, on va faire un petit rafraîchissement. Les Misérables, c'est un roman qui est sorti en 1862 par Monsieur Victor Hugo, du coup, et qui décrit la vie de pauvres gens de Paris du premier tiers du 19e siècle. On y suit le destin, notamment sur 20 ans, d'un ancien bagnard, d'une prostituée, d'une fillette sans parents, d'un gamin des rues. Enfin, c'est vraiment des personnages très variés. Et ce qui m'avait frappé dans ce... Alors, je vais vous épargner... Oui, la fracture sociale, la dénonciation, oui, ça, on... je pense qu'au collège, vous l'avez déjà vu. Ce qui m'avait frappé dans ce livre, c'est la diversité des profils que Victor Hugo nous offre à la lecture. Les Misérables, en fait, il nous parle de l'universalisme de la douleur. Quand on souffre, on a pour tendance de se dire qu'on porte toute la misère du monde, on a du mal à relativiser. Et Les Misérables, il renverse ce message. La souffrance, elle est universelle et la misère, elle touche tout le monde sans exception. Et dans ce roman que je trouve personnellement absolument exceptionnel et visiblement mes comparses ne sont pas forcément du même avis. on suit des personnages qui ont été complètement abandonnés par la chance. Quand on le lit, c'est difficile de pas se sentir touché par le sort des protagonistes ou de continuer à s'apitoyer sur nos propres problèmes. C'est ça que j'aime en particulier dans Les Misérables, c'est l'empathie qu'il suscite. Enfin, je pourrais m'étendre des heures sur ce chef-d'œuvre de la littérature, mais mon temps de parole arrive à sa fin. Je finirai par vous conseiller à tous de lire ce classique au moins une fois, même s'il est plutôt très très épais. Au moins le premier livre, parce que oui, c'est un roman en plusieurs livres. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisserai tranquille. Sur ce, on va écouter Jermaine Jackson. And when the est parti pour la chronique de Ilana qui va clore cette émission. Alors, de quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler du cinéma et des stéréotypes. Donc, le cinéma, c'est art qui nous fait rêver et réfléchir à un impact bien réel sur nos perceptions et nos idées. Mais jusqu'où va cette influence ? Dans notre dernière émission, nous avons exploré comment cet art populaire peut servir de lutte sociale. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur son impact sur notre imaginaire collectif. Contribue-t-il à perpétuer les stéréotypes ? À l'époque de ses premiers tâtonnements, certains penseurs affirmaient que le cinéma reflétait les idéologies dominantes de son époque. D'autres allaient plus loin et voyaient dans le cinéma un outil de manipulation. Avant même de devenir un art, le cinéma a été perçu par l'État comme un moyen d'éduquer le peuple, illustrant ainsi la puissance de 24 images par seconde. On sait que le cinéma américain a une grosse prédominance, notamment en France, hein, 53% des films au cinéma sont américains, et ce depuis l'époque après-guerre et le plan Marshall qui visait à offrir des aides au cinéma français en contrepartie de la diffusion du cinéma américain, ce qui pose question sur la diversité de ce qu'on regarde et sur les possibles stéréotypes qui sont véhiculés. Le fait que les producteurs de films à succès planétaire soient principalement des hommes blancs américains issus de milieux favorisés limite la diversité des perspectives et encourage la reproduction des mêmes récits. Lorsque ceux qui créent des histoires n'adoptent pas de regard critique, les représentations deviennent souvent biaisées et quand ces histoires sont visionnées par une bonne partie du monde, ça pose question. Un mécanisme particulièrement insidieux est le male gaze théorisé par Laura Mulvey. Donc ce regard masculin, omniprésent dans de nombreux films, réduit souvent les femmes à des objets de désir. Prenons Transformers, les hommes y sont actifs tandis que les femmes sont souvent là pour être regardées. Même si on sait que les spectateurs ne sont pas passifs face aux images et aux informations, on peut quand même se demander quel message cela envoie, aux plus jeunes notamment. Les stéréotypes culturels sont également omniprésents. Des films comme Aladdin témoignent d'une vision réductrice du monde et perpétuent des caricatures dégradantes des cultures non occidentales, présentant un Moyen-Orient figé dans le temps et souvent dangereux. Ces représentations façonnent inconsciemment notre perception de ces régions. Mais il est essentiel de souligner que le cinéma peut aussi avoir un impact positif. Par exemple, Black Panther a non seulement mis en avant des héros afro-américains, mais a aussi célébré la culture africaine de manière riche et nuancée. Ce film a inspiré de nombreux spectateurs en offrant des représentations positives et diversifiées. Comme quoi le cinéma est une arme à double tranchant, à qui voudra l'utiliser pour les bonnes causes. En France comme ailleurs, les stéréotypes véhiculés par le cinéma influencent nos perceptions. Bien qu'il possède un potentiel éducatif, il doit d'abord reconnaître sa responsabilité dans la reproduction des clichés. Les États-Unis, qui dominent encore l'industrie, ont compris l'importance de ce média et l'utilisent pour construire une image fantasmée de leur culture et accroître leur pouvoir sur le monde. Il est donc crucial de diversifier les voix et les perspectives afin d'offrir des représentations plus riches et nuancées du monde. Et voilà, c'était Ilana, à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Shut up. chèvre. Merci Lana pour ta chronique, c'était super intéressant. C'est déjà bientôt la fin de cette émission. Je sais, vous êtes extrêmement triste, je le vois sur vos visages. on va terminer par une petite question à vous, mes chers chroniqueurs. Est-ce que vous voulez bien me raconter ce que vous avez fait pendant vos vacances? Tiens, Louis, t'as l'air de vouloir démarrer. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de choses pendant mes vacances. J'ai fait un petit tour proche d'Orléans. Je suis allé voir le château de Blois et le château de Chambord. C'était vraiment magnifique. Et en revenant, je suis allé voir pour la première fois une course de vélo. C'est un petit que j'ai eu en colo qui m'a invité à aller le voir. Et j'étais trop content. Il a fini troisième. C'était super. Ok, bah super. Je compte pour toi. Théo, t'enchaînes ? Alors, moi, j'ai visité la Bourgogne, donc chez mes parents, révision. Et guitare aussi. Je m'entraîne sur un morceau, c'est Goldman, donc Jean-Jacques Goldman, encore un matin. À faire des arpèges, c'est hyper, hyper compliqué, mais on y arrive. Donc voilà. Et ben, on te souhaite tous bon courage dans cette quête. Merci beaucoup. Alors, Ilana ? Et ben, moi, j'ai pas mal lu et je me suis reposée, parce que les vacances, c'est quand même fait pour se reposer. À la base, oui, n'est-ce pas, Louis ? Et okay. Du coup, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle Les identités meurtrières d'Amin Malouf. Et en fait, ça parle de comment se positionner dans la société avec son identité dans une période dans une époque de mondialisation. Et voilà, je vous le conseille. Il est petit, il est facile à lire et il est très bien. Tu peux nous répéter le titre ? Les identités meurtrières d'Amin Malouf. Ça marche. Si y en a que ça intéresse, vous savez. Et alors toi, Diane, qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances ? Alors pendant mes vacances, personnellement, j'ai beaucoup vu ma famille, beaucoup vu mes amis. Je ne me suis pas du tout reposée, vraiment. J'entame cette deuxième partie de semestre encore plus épuisée que je ne l'étais avant, mais c'est pas grave. Et bien, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le mois prochain, globalement troisième mardi du mois, pareil que maintenant. Et je vous souhaite un très bon mois de novembre, une très bonne fête de la Saint-Nicolas. Et prenez soin de vous, à la prochaine. Bisous. Bye bye. Salut.